belle nuit, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait leur dire « Suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. » Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où au cœur de tous les hommes un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia.